Alors, comment dites-vous? Il vous attend. He wait. Il vous attend. He. Waits. He waits. He waits for you implique une action plutôt habituelle, régulière, n'est-ce pas? He waits for you all the time. Il vous attend tout le temps. He waits for you every day. Il vous attend tous les jours. It is waiting for you. He, once more. Ah, he is waiting for you. Right. He is waiting for you. Voilà la différence de sens. He waits for you, c'est une action habituelle qui se fait fréquemment. On dira alors He waits for you here every day. Il vous attend ici tous les jours. He waits for you here every day. Mais comment dit-on il vous attend? Il vous attend maintenant. He is waiting for you. He is waiting for you. Il vous attend depuis quelques minutes. He has been wait. Has been, yes. Has been waiting for you. Right. He has been waiting for you. Depuis quelques minutes. For a few minutes. Right. He has been waiting for you for a few minutes. Alors, encore une fois, comment dit-on il vous attend? He is waiting for you. He is waiting for you. Alors là, on a l'image dans la tête qu'il est en train d'attendre. He is waiting for you. On peut aussi dire He has been waiting for you, sans préciser depuis combien de temps. He has been waiting for you. He has been waiting for you. Ça implique qu'il attend depuis quelque temps. Il vous attend depuis quelque temps, peut-être depuis quelques minutes, mais depuis un moment. Cette forme inclut une période de temps dans le passé immédiat et vous pouvez voir, vous pouvez entendre la différence entre « il vous attend »,« he is waiting for you »,« he has been waiting for you » et « il vous attend »,« he waits for you ». Avec « he has been waiting for you », il est ici depuis quelque temps en train de vous attendre. Ça peut être depuis quelques minutes ou depuis une ou deux heures, mais il est encore en train de vous attendre. Pour poser la question « Depuis combien de temps attendez-vous ?», il faut commencer par « Depuis combien de temps ?» How much time How Oui. How long How long He has been waiting. Mais c'est une question. Depuis combien de temps attend-il ? Est-ce qu'il attend ? How long has Has he waiting Has he been waiting for you? Yes! Alors, depuis combien de temps est-ce qu'il attend? How long has he been waiting? Depuis combien de temps attendez-vous? How long? How long? How long are you been... Not are. Non, have. Yes. Have you been waiting? Right, right. How long have you been waiting? Yes. Il habite ici? He live here. He lives. Right. He lives here. He lives here. Il n'habite pas ici? He doesn't live here. Good. He doesn't live here. Il habite ici maintenant. He's living here. Right. He is living here. Comment dites-vous? Il habite ici depuis quelque temps. He has been living here for some time. Some time. For some time. Depuis quelque temps se dit sometime. Sometimes veut dire quelquefois. Sometime, quelque temps. Fois et temps se disent de la même façon en anglais. Fois et temps se disent time. Fois au pluriel, c'est times. Quelquefois, sometimes. Depuis combien de temps est-ce qu'elle habite ici? How long is she... No. Has she? Has she... Ah. Been living here? Very good. How long has she been living here? Depuis combien de temps habitez-vous ici? How long have you been living here? Right. How long have you been living here? Nous sommes ici depuis quelques heures. We have been... Ici. Here. Right. We have been here. Nous sommes ici suivi d'une période de temps ne se dit pas we are here, mais we have been here. We have been here. Nous sommes ici depuis quelques heures. We have been here for a few hours. Very good. We have been here for a few hours. Et depuis combien de temps êtes-vous ici? How long have you been here? Right. How long have you been here? How long have you been here? Je l'ai vu. I saw it. Et si on vous demande, ah, vraiment, vous l'avez vu? Si je l'ai vraiment vu? I did see it. Yes, I did see it. Et au passé composé, je l'ai vu. Seen. Alors? I have seen it. Essayez encore. Ah ben non, évidemment. I have seen it. Right. I have seen it. Et je viens de le voir. I'm just... I have... Yes. Just seen it. Right. I have just seen it. Ou bien saw... Have. I just saw it. Right. I just saw it. Yes. I just saw it.